Marie-Jeanne. Marie-Rouana. One, two. Tranquille, hein. Y a-t-il des Marie-Jeanne dans la place? Marie-Jeanne. Non, y en a pas, mais c'est pas grave. Une Marie-Jeanne. 1, 2, 3, 4. Marie-Rouana, je t'aime. J'en fume, moi des kilos. À mort, roulé par terre. Moi j'aime le vélo. Ouais, vélo. Marie-Rouana, je t'aime. J'en fume, moi des kilos. Et des kilos. À mort, roulé par terre. Moi j'aime le vélo. Et le vélo. Marie-Rouana, je t'aime. J'en fume, moi des kilos. Par terre, moi j'aime le vélo, mais le vélo, ouais, ouais, ouais, ouais. Ah,